pas l'admettre. Mes contraintes, mes échecs me montent à la tête. J'ai réussi, je n'ai plus de quête. Je n'ai plus de dette. 4 secondes pour 100 mètres. Fais le camos que j'achète. Les souvenirs de ta schneck sont tout ce qu'il me reste. Négro, arrête. Je dormais sur le bitume. Je ne compte plus le nombre de siestes. Donc viens pas me parler ta hesse. Non, non. J'ai passé des moments durs et des moments seuls. Mes pleurs et des sanglants. Des laissant des combattures. Rue des épreuves. Des blessures en tombe. J'ai pas de répondre. Surtout parce que je m'en bats les gueules. Corona, la lèpre. L'Afrique cesse pas de renaître. Je suis parti en courant, aux mains en l'air, pas un geste, cellule encombrante. De rêve, je dois l'admettre, elle est remplie de ma lettre. Le fils de putain qu'est-ce, je te parle même pas du reste. Ça fait mal à la tête, roule un joint puis remperce. Sans mettre de cigarette, pourquoi tu ouvres ta gueule, gros? Viens pas trop vers le mec, j'ai du sang sur les becs. Une bagarre dans la def, rien qu'à entendre mes textes. Elle se dit que j'aime que le sexe. C'est juste que l'amour et moi se termine par un bref. Que tes chiennes s'en laissent, me spire sur les tresses. Que je laisse, mon amour est dans ce que